son des cordes, le ballon contre le mur, le plexiglas qui explose, le crissement de nos chaussures, le second souffle qui envahit nos poumons, le goût du sang dans la bouche qui tout d'un coup devient bon. Pour nous avoir, faudra nous arracher la langue. Au pire, nous prendre tout ce qu'on a et puis faire face à nos gangs. Sur le ring, nos black gangs, sous nos gants, nos black bangs. Mandela contre Homeland et Balboa contre Clubberlang. On garde haute face au crochet du diable. Envoie l'ennemi au tapis lorsque j'ai balancé mon jab. Ça passe ou ça casse pour reprendre le titre. Tous les moyens restent bons mais pas sans l'œil du tigre. Gardez l'espoir quand le physique s'est fait la mal. Quand on débat l'instinct du mal, retrouve l'instinct de l'animal. Et t'as pas mal, j'ai pas mal, t'as pas mal, j'ai pas mal. La soif de vaincre, anesthésie, les coups de l'ours ne font plus mal. Victory! Dans le coin droit, les shorts noirs, c'est cracher du kérosène sur l'étincelle de la victoire. Victory! Là où personne ne jette l'éponge, où les reprises durent une vie jusqu'à ce que l'adversaire s'allonge. Victorieux dans nos milieux et dans toute situation. On met du cœur à l'ouvrage, de la rage dans l'action. En plus de l'œil du tigre, on a la voix du lion. Victory, mon garçon, victory, dans mon sang, victory. Donne-moi un peu gros là, frappe tes pleurailles, frappe-moi. Ce sont des cloches et des bruits dans le gymnase. C'est quand l'odeur de la sueur s'apparente à celle du gaz. C'est au quart de tour que mes panthères décollent. Comme Olivia Tom, la balle au pied sur le chemin de l'école. Soulever l'acier, l'adversaire le terrasser, puis caresser la victoire à la racine, l'arracher, le protège-temps est mâché. Dans la bassine, recracher la rage d'Ahmed, Jahé et pour Jihad, Medin Boumaïe. C'est toujours ceux qui lèvent le poing avant la fin. T'envoies mordre la poussière de ta carrière, annonce la fin. Nous on est moins Ben Baker, beaucoup plus Mark Landers. On aime les chocs des titans, genre Chicago contre les Curs. Même dans le sport, c'est le guerrier toujours aux ordres. Envoie les corps dans le décor, au corps à corps dans les corps. C'est la vitesse de la licorne, la précision du condor. Avec soi-même en accord, être accord pour seule règle d'or. Victory! Dans le coin droit, les shorts noirs, c'est cracher du kérosène sur l'étincelle de la victoire. Victory! Là où personne ne jette l'éponge, où les reprises durent une vie jusqu'à ce que l'adversaire s'allonge. Victorieux dans nos milieux et dans toute situation. On met du cœur à l'ouvrage, de la rage dans l'action. En plus de l'œil du tigre, on a la voix du lion. Victory, mon garçon, victory, dans mon sang, victory. Dans le coin droit, les shorts noirs, c'est cracher du kérosène sur l'étincelle de la victoire. Victory, là où personne ne jette l'éponge, où les reprises durent une vie jusqu'à ce que l'adversaire s'allonge. Victory.